Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, sur Fréquence Protestante, l'émission radio qui raconte la radio à travers ceux et celles qui la font au quotidien. Pour ce 62e épisode, c'est un passionné à l'oreille attentive que je reçois, qui ne se voit pas ailleurs qu'à la radio, qu'il qualifie comme son outil d'expression. Mon invité est passé par plusieurs rôles au cours de sa carrière, animateur, reporter, matinalier, mais aussi artisan de son. Mon invité se nomme Antoine Blin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Pas trop stressé? Ça va? Je vous sens un peu... Ça va, j'ai pas l'habitude d'être déjà depuis quelques temps, ça fait... Je suis pas de ce côté-là de la vitre, et puis de ce côté-là du micro, être interrogé plutôt que d'interroger moi-même, c'est pas un rôle habituel. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce n'est pas un interrogatoire non plus, quoique... Non, c'est pas vrai. Bon, on va commencer par le commencement, Antoine. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Évidemment. Moi, j'ai démarré sur une radio associative à Montpellier quand j'étais tout petit. Enfin, en vrai, non. J'ai démarré tout seul dans ma chambre avec des cassettes et des amis, de la famille. Enfin, voilà, à fabriquer des émissions de radio sans auditeurs. voilà. Avec le petit magnétophone qui va bien avec. Voilà, le petit magnétophone. Parfois des cassettes qui circulaient entre copains. Enfin, voilà, un cercle comme ça très réduit. Et finalement, c'est ma mère qui s'est dit, mon fils s'intéresse beaucoup à la radio. Il faudrait qu'il essaye quand même en vrai. Et elle m'a obtenu un rendez-vous dans une radio associative. J'y suis allé tout seul et là j'ai fait écouter mes cassettes et je suis tombé sur un mec adorable qui s'est dit oui. Alors j'étais petit, hein, j'avais je sais pas 12-13 ans, j'avais pas la voix qui avait mué, c'était du bricolage et il m'a fait faire une première émission, une deuxième et la saison d'après j'avais mon émission en hebdomadaire. Voilà, j'avais 13 ans et c'était une radio associative, Radio Clapas à Montpellier. Qui existe toujours, qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, et dans laquelle j'ai tout appris. J'ai appris le montage, l'interview, le reportage, l'habillage, la technique, la programmation musicale. J'ai tout ce que je fais depuis, je l'ai fait la première fois à Radio Clapas. Mmh. Alors, moi je rebondis juste sur quelque chose que vous avez dit. Moi c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire que sa mère l'a incité à contacter radio, non, à chercher des radios. Mais à sa place. En fait, elle voyait que je faisais ça tout le temps. Je faisais ça vraiment tout le temps, hein, dans ma chambre. Je produisais plusieurs émissions par semaine. J'avais ma grille des programmes dans ma tête, si vous voulez. Alors comment s'appelait cette radio soi-disant fictive, donc? Oh, c'est un nom. J'ai inventé plein de choses et ça changeait tout le temps. Je me souviens d'une émission que je faisais avec des copains du collège qui s'appelait Coup sur coup. Alors il y avait plusieurs rubriques dedans, coup de cœur, coup de gueule, coup je sais pas quoi, et que je tournais pendant les récréations avec un petit dictaphone et que je montais ensuite à la maison. On faisait des imitations de prof, je faisais des reportages à la cantine, ce genre de choses. Et voilà, ça c'est une émission qui a, voilà, chaque semaine, il y avait le petit résumé de l'actualité du collège qui était fait comme ça. Et voilà, moi je, à 12-13 ans, on est encore un peu timide et j'avais arrêté les activités sportives, les autres activités, je faisais que ça. Et c'est vrai que elle s'est dit, bah, peut-être que si je lui donne un petit coup de pied, ça lui fera son activité du mercredi, quoi. Et c'est allé bien au-delà de ça, puisque c'est devenu non seulement ma passion qui était déjà là, mais c'est devenu mon métier. Et c'est un hasard. C'est la première radio à laquelle je suis. Voilà, j'ai toqué. Ils m'ont accepté. Au début, ça a été un petit peu difficile parce que quand l'émission a démarré, ça a fait grincer quelques dents parce que évidemment, j'étais pas mature. Je passais de la musique qui correspondait pas à la musique que passait cette radio. Il y avait des infos juste après, c'était bizarre et j'ai failli disparaître de l'antenne au bout d'un mois et demi, deux mois. Et finalement, ils m'ont sauvé en m'enlevant un quart d'heure d'émission. Et heureusement, parce que si ça se trouve, à ce moment-là, quand on n'est vraiment pas sûr de soi et qu'on démarre, je me serais peut-être dit, c'est pas pour moi, voilà, j'ai vu trop gros. Mmh. Ouais, mais du coup, ça vous a soigné un petit peu aussi, au niveau de la timidité. Certainement. Au fur et à mesure. Certainement. Et alors, les émissions que vous faisiez donc à Clapas, c'était dans quelle catégorie? Parce que Clapas, c'est une radio éclectique, je pense. C'était une radio essentiellement jazz avec des programmes locaux qui donnaient la parole aux associations. Ça partait vraiment dans tous les sens. Et moi, j'avais une émission quand j'ai démarré qui s'appelait Terminus, et c'était ma bande de copains du collège puis du lycée. Et petit à petit, c'est devenu un petit peu l'école de la radio de ce moment-là, puisque tous les jeunes qui arrivaient à la radio, même s'ils étaient pour la plupart, et pour tous d'ailleurs, plus âgés que moi, venaient dans mon émission et faisaient une chronique, et ça parlait de tout. J'avais des chroniques qui parlaient de musique, de sorties, d'emploi. Tous les thèmes étaient possibles. On faisait des stories, on faisait des jeux. J'allais négocier des places de spectacle ou de cinéma. Enfin, je faisais aussi le commercial. C'est là que j'ai vraiment tout appris, tout fait dans cette émission. C'était comme une radio en miniature, quoi. Est-ce que vous avez du coup appris là-bas, à Clapas et dans votre émission, c'est des choses que vous mettez toujours en application aujourd'hui ou que vous transmettez? Oh, je pense qu'avec le temps, on se professionnalise un petit peu. Non, je pense que moi, j'ai appris des choses parce que je les ai essayées par moi-même. Personne ne m'a rien appris, en fait. J'ai tout essayé. Et si j'ai appris, c'est en écoutant les autres. C'est avant tout par les oreilles. Et je le fais toujours d'ailleurs, hein, toutes les radios, tout ce qui se fait. Et il y a à apprendre partout. Et genre, je pense pas... D'un côté, j'ai sûrement pas changé. D'un autre côté, j'ai complètement changé. Non, je pense pas que je fasse aujourd'hui des choses que je faisais à l'époque. Je les fais autrement. Et puis, l'époque change, les outils changent, les enjeux changent. Et alors, cette aventure avec Clapas a duré combien d'années, du coup? Ben, pas mal d'années, je sais pas. À cet âge-là, les années comptent double, hein. Mais j'étais responsable de la programmation musicale quand j'avais 16 ans. J'ai fait les matinales au quotidien quand je devais en avoir 18. Donc ça a dû durer 5-6 ans, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que j'ai fait le tour complet et que je suis passé à quelque chose d'un peu plus professionnel. Voilà, une soif de nouvelles expériences. Surtout se dire, j'ai fait mes études, je sais que ce que je vais faire comme métier, c'est la radio. Va falloir que je passe à quelque chose de plus professionnel. Donc à Montpellier où j'étais, c'était Radio France Héros, qui était la radio, la plus grosse radio au niveau local. Il y avait aussi des antennes locales d'Europe 2 et autres, mais bon, tant qu'à faire, aller taper à la porte de la plus grosse radio. J'y ai fait mon stage, j'y ai eu mes premiers contrats. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des feuilles de salaire pour une activité radiophonique. Et Radio France Héros, du coup, c'était une nouvelle école, là aussi, pour vous? Enfin, d'une autre manière, je pense. Mais là, pour la première fois, j'ai eu des gens qui m'ont, en effet, appris des choses. Qui m'ont appris des trucs ou qui... Voilà, j'étais vraiment là pour apprendre, quoi. Je faisais de la radio depuis des années, mais j'avais juste appris avec mes oreilles, en imitant peut-être beaucoup, sans avoir de guide. Et là, j'ai eu des guides. Qui vous ont renseigné quoi, par exemple? Quelques exemples, si vous en souvenez? Ah oui, je me souviens d'un truc très, très important, c'est quand j'étais en radio associative, j'avais toujours l'impression de parler comme sur une estrade. Donc de parler fort, je pense que j'avais écouté aussi les radios FM type Arthur et autres, s'il y avait un côté fallait que ça gueule, dynamique, pour que ce soit vivant, fallait que ça gueule, quoi. Et je pense que sur Radio France Héros, j'ai trouvé ma voix, c'est-à-dire je me suis posé, et c'est l'idée de parler à une seule personne à la fois, même si dans la radio tout le monde peut entendre, peut y avoir, comme c'est le cas sur France Inter le matin, 2 millions de paires d'oreilles en même temps à l'écoute de la même personne. À chaque fois, on parle quand même à une seule personne. L'expérience de la radio, c'est une expérience solitaire. Et quand on a compris ça, qu'on s'adresse à une seule personne et une personne réelle, c'est-à-dire qu'on ne parle pas dans le vent, et donc mes premiers exercices que j'ai faits quand j'étais là-bas, c'est de m'imaginer une personne concrète, quelqu'un à qui je pense vraiment, qui ressemble à l'auditeur type qu'on m'avait donné par rapport à la cible de la radio, mais vraiment je parlais à une seule personne et du coup je parlais pas de la même façon et j'écrivais pas de la même façon non plus. J'ai simplifié mon écriture, des phrases courtes, un micro, une idée, pas mettre 36 idées dans le même micro. C'est des choses qui sont basiques dans la radio, mais avant d'être face à des professionnels, personne me l'avait dit. Oui, quelque chose aussi à savoir maîtriser. Et ça pour le coup, c'est des choses qui me servent toujours et qui m'ont toujours servi depuis. C'est à la radio, on parle à une seule personne à la fois. Et un micro, une idée. Alors là, vous parliez de voix, justement. Est-ce qu'il y a des voix qui vous inspirent, qui vous ont donné envie de faire ce métier? Comme j'écoutais tout, je pense que tout m'a plus ou moins inspiré. Mon premier souvenir de radio, il est enfant chez mes grands-parents en Normandie, où je m'ennuyais ferme. Et là, j'ai trouvé une petite boîte, parce qu'à la maison, on n'écoutait pas la radio. C'est pas un usage que j'avais. Et dans cette petite boîte, il y avait RTL. Je pense que c'était le seul truc qu'on captait à cet endroit-là. Et je me souviens de Fabrice. Fabrice qui faisait la valise, qui faisait ses imitations, etc. Et là, un univers s'est ouvert. Alors, je dirais pas que Fabrice m'a inspiré. Je pense que j'ai jamais fait de la radio à la Fabrice. Mais c'est la première voix que j'ai entendue et où je me suis rendu compte, ah ouais, on peut faire tout ça juste avec sa voix, juste avec un micro. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Quand j'étais ado, en effet, les émissions d'Arthur sur Fun et sur Europe 1 m'ont beaucoup marqué. Sur Inter, Laurent Ruquier, Jean-Luc Delarue sur Europe 1. Enfin, il y a plein de voix qui m'ont marqué. Chris aussi sur France Inter, qui avait une voix plus singulière. En fait, à chaque fois, c'était un nouvel univers qui s'ouvrait quand il y avait ces nouvelles voix qui avaient leurs pattes. Maurice sur WeFM et sur Skyrock. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont ouvert des voies. C'est une palette très large. Hein. C'est à l'image de notre radio actuelle et de l'époque. Et on va ouvrir là maintenant votre coffre à musique, Antoine Blin, puisque vous avez choisi les morceaux de cette émission. Notre première pause musicale, c'est avec Miles Davis tout de suite. Tutu, pourquoi ce choix? Parce que Radio Clapas, Radio Jazz, et c'est aussi à la radio que je me suis fait ma culture musicale et que j'ai découvert tout un univers, et notamment le jazz. Et voilà, ce morceau-là est emblématique aussi de ce qui passait sur Clapas à cette époque-là et fait le pont avec la musique électronique. C'est voilà, il y a un peu d'électronique là-dedans et donc sur des sons que je retrouverai un petit peu plus tard quand j'arriverai à Nova. Thank you. petite ambiance jazzy 2.0 des années 80, on dira. Herbie Hancock, pas du tout. Non, mais c'est vrai que ça y ressemble. Non, Miles Davis. C'est la même famille. Oui, exactement, la même époque. Avec Tutu sur Fréquence Protestante et dans la mécanique des ondes. Ah, dis donc, on bug. Antoine. Et c'est aussi le petit son du tout début du morceau. C'est ce qui ouvre Jazz à FIP chaque soir à 19h. Ah, très belle anecdote. Voilà. Votre référence radio. Exactement, belle référence. Et puis surtout une émission, une des émissions les plus longues dans l'histoire de la radio. Avec Le Masque et la Plume, pour citer France Inter. Antoine Blin, donc, dans la mécanique des ondes, qu'on avait laissé à Radio France Héros. Et alors, justement, ce morceau que vous avez choisi, ça fait une bonne jonction dans notre parcours, puisqu'on passe de Clapas Radio Jazz à, vous l'avez cité, une certaine radio nommée Nova. Mm-hmm. Alors du coup, ça veut dire que vous quittez Montpellier pour Paris. C'est ça. J'ai 20 ans à ce moment-là et je viens d'avoir mon DUG qui était l'engagement pris auprès de mes parents. Tu dois aller jusqu'au DUG, avoir Bac plus 2. C'était, je pense qu'aujourd'hui ce serait la licence, hein, mais c'était l'objectif minimal. Et pendant l'été, je savais que je ne ferais pas de troisième année de fac, que je ferais de la radio. J'aurais pu continuer à faire des trucs à Radio France Héros, mais... j'avais une semaine de vacances, je suis allé à Paris, j'ai fait le tour des radios que j'avais envie de voir, mais pour visiter, hein, pour voir comment ça marchait. Et les radios très très très faciles à visiter, discuter avec les gens. Et puis Nova, c'était plus compliqué de rencontrer des gens, c'était un peu plus fermé. Mais j'ai insisté et j'ai finalement rencontré Bruno Delport, qui était le directeur de la radio à ce moment-là. Je savais pas qui c'était et je commence à lui raconter tout ce que je pense de bien et de mal de Radio Nova. Ouais, il y a trop de ceci, il y a pas assez de cela, ça manque de pêche, ça manque de voilà. Et il m'a dit ben envoie-moi tes trucs, envoie-moi ce que tu fais sur la radio associative, sur Radio France, ça m'intéresse. Et dans l'été, il m'a fait revenir deux fois pour faire des petits essais d'animation. Fin août, c'est Jean-François Bizot qui était donc le patron de Radio Nova, le créateur, enfin la figure historique de Radio Nova, qui m'appelle à Radio France Héros juste avant une émission et qui me dit jeudi soir il y a une soirée. Bon, c'est pas une soirée branchée, mais c'est un peu une soirée branchée. Je te présenterai des gens. Alors déjà un coup de fil de Bizot en personne. Déjà, c'est impressionnant. Il s'est pas présenté. Hein. J'ai compris que c'était lui. Je pense qu'on reconnaît facilement la voix de Bizot quand on cerne. J'ai compris que c'était lui. J'ai appelé Bruno à ce moment-là. Il me fait ah bon, il t'a appelé. Bah t'as intérêt à venir. Et moi j'étais à l'antenne tous les jours, donc c'était compliqué. Mais je me souviens plus comment, mais je me suis dépatouillé de tout ça et j'ai filé à Paris. J'arrive le jeudi après-midi à Radio Nova. On me fait porter des cartons. C'était TSF qui s'installait à ce moment-là dans les locaux de Nova. On était à l'été 99. Et le soir, en effet, Jean-François Bizot me fait parler à plein de gens que je ne connais pas. Il m'amène des gens. Il leur dit testez-le, en gros. Discute avec le gamin. Et le lendemain, Bruno Delport me fait revenir et il me propose du boulot pour la semaine d'après, quoi. Et le boulot, c'était réalisateur de la matinale de Nova, qui s'appelait Jamais sans mes fibres à l'époque. Sachant que les essais qu'il m'avait fait passer, c'était pour faire de l'animation entre les disques, ce qui ne se faisait pas à l'époque à Nova. Donc c'est un peu moi qui ai essuyé les plâtres de ce truc-là. Mais il m'a embauché pour la réalisation de la matinale. Donc je réalisais la matinale, je réalisais aussi les émissions d'Henri Chapier et je testais les premiers micros d'animation au milieu de la prog de Nova. Voilà comment je suis arrivé contre toute attente. Et après, par la suite, j'ai vu qu'à Nova, c'était pas forcément comme ça qu'on rentrait. Fallait faire des stages pendant des années, faire des bouts de remplacement, des bouts de trucs. Moi, je suis arrivé comme une fleur de ma province et j'étais dans le bain tout de suite. Même si c'était parfois un petit peu rude parce que la culture était pas la même. Mais bon, j'ai finalement bien tenu et la greffe a très bien pris. Et voilà, je suis resté 10 ans à Nova. Et vous y avez injecté un petit peu votre patte sonore, si je puis dire, puisque vous étiez impliqué à Nova dans plusieurs projets où primait la création sonore. Alors, je cite par exemple Le Sonar, qui remixait de mémoire des sons qui étaient liés à l'actualité, à la politique. Il y avait Homme Radio, il y avait aussi l'habillage de Nova. Ce goût de créer du son, comment ça vous est venu ? Alors depuis le début, on va revenir à mes petites cassettes que je faisais quand j'avais 10 ans. J'avais toujours ce goût de piquer des bouts de son, les mettre ensemble, ça donnait quelque chose. Après j'ai fait ça sur des bandes magnétiques, après j'ai fait ça sur des mini-disques. Une fois que je suis arrivé à Nova, j'ai découvert ce magnifique logiciel Pro Tools dont les possibilités de traitement de son sont quasi infinies. Ça a toujours été ma pâte à modeler, quoi, le son, travailler la matière sonore. D'où ça me vient, j'en sais rien. Je faisais du Lego quand j'étais petit. Voilà, j'ai transposé ça sur le son. Et c'est vrai que à Nova, l'expérimentation était la clé, quoi. C'était ça qu'on me demandait. Et donc, je m'en suis donné à cœur joie. Et tout était, je dirais pas que tout était possible, parce que l'idée, c'est que ce soit quand même à l'arrivée une radio qui est de la gueule, qui ait une identité. C'est pas juste un laboratoire à ciel ouvert. Faut que ça ait du style. Là-dedans, il y a eu quand même la rencontre avec Andrew Orr, qui est l'un des créateurs de Radio Nova, pour le coup, et qui est vraiment un artisan sonore du son de la radio, de la production sonore. Et voilà, une façon d'aborder l'habillage sonore qui était beaucoup plus artistique, là où moi j'étais plus artisan bidouilleur, quoi. Donc ça m'a poussé vers le haut. Voilà, si je parle d'une inspiration, il y a celle-là, et puis il y a aussi tout ce que j'écoutais. J'entendais des trucs, je me disais comment ils ont fait, j'ai envie de faire pareil, et en essayant de faire pareil, ben je tombais sur autre chose, et c'est là où ça devient créatif, parce que l'imitation, comme on y met aussi de soi-même et d'autres influences, c'est comme ça que se fait la création. Et ça vous a amené à devenir directeur artistique aussi de Nova pendant quelques années? Oui, ça a été une évolution entre la réalisation d'émissions ou de séquences, ensuite le travail sur l'ensemble de l'habillage sonore de Nova, d'abord par petits bouts, puis ensuite sur l'ensemble. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout un... Bon, j'illustre un peu, mais c'est tout un mur à repeindre. Un peu à votre manière. Oui, et puis dans la direction artistique, ça a impliqué en fait l'ensemble de l'antenne, donc aussi la création de rubriques, la création d'émissions. Je m'occupais à Nova de tout ce qui n'était pas la musique. La musique étant la matière première d'une radio comme Nova, l'essentiel. Mais autour de la musique et au service de la musique, faut raconter une histoire, faut faire vivre un esprit. Et tout le travail de direction artistique à Nova, c'était ça. Et cette aventure à Nova avait duré combien d'années au total? Alors, au total, une dizaine d'années, puisque sur la fin, quand je l'ai quitté, j'ai quand même continué à garder un pied en faisant des chroniques en matinale, qui s'appelait Le Monde de Demain, où on imaginait... c'était comme un journal, mais du futur. Oui, c'était pour les 25 ans, je crois, non? Alors ça, c'était la première fois que je l'avais fait. Puis finalement, c'est devenu une rubrique qui a duré 2 ans, tous les matins. Et qui, voilà, pendant 2 minutes, on était 15 ans plus tard, 25 ans plus tard, 40 ans plus tard. Voilà, comme une matinale d'info, mais hop, voyage dans le temps. C'était un défi, parce que fallait réussir à imaginer un petit peu en se mettant dans le contexte, en prenant le contexte actuel, je pense. Voilà, c'est ça. On partait du contexte actuel. Il y avait un côté parodique dans une première partie avec des fausses infos qui poussaient le curseur un peu plus loin de mouvement de l'époque. Et une deuxième partie où on racontait, je racontais une histoire en train de se passer et des indices d'avenir qui étaient déjà dans notre présent. Voilà, ça c'était le petit jeu du monde de demain, qui est la dernière chose quasiment que j'ai faite à Nova. Et puis ça reste dans une touche créative aussi d'un point de vue radiophonique. Toujours, c'était un petit objet sonore. Et alors, vous avez fait d'autres objets sonores dans d'autres horizons. Vous êtes parti au Monde, le journal Le Monde. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé justement là-bas? Est-ce que c'est le journal qui recherchait quelqu'un du monde de l'audio ou c'est... Oui, il y avait un petit peu de ça. Il y a en fait à Nova, vous avez cité le Sonar et Home Radio qui était une émission ouverte à tous les créateurs de sons. Donc c'était une émission très étrange qui passait à minuit pile, qui était présentée par une voix de synthèse qu'on appelait le professeur Boons. Et où chacun pouvait amener sa création sonore, parce que on a senti à ce moment-là, avec Marc Hachlimi, qui était le directeur de la radio, qu'il y avait une ébullition dans la création sonore qui était en train de revenir du fait des nouveaux logiciels numériques. Hein, il y avait une nouvelle génération de créateurs sonores. Et donc le sonar, nous, c'est déjà quelque chose qu'on faisait, de la création sonore, c'était un édito sonore quotidien. Et ces deux émissions-là ont été les premiers podcasts français de issus de radio. Et du coup, on est très content parce que c'est un petit élément de fierté. Pendant un an, ces deux podcasts-là étaient les premiers podcasts sur iTunes. Aujourd'hui, évidemment, il y a des très très gros acteurs qui fournissent tous ces podcasts, et notamment Radio France. Mais à ce moment-là, on était tout seul. C'était les débuts. On était tout seul et il y avait à côté de nous plein de gens, mais que des amateurs, des bidouilleurs qu'on mettait en avant justement dans Home Radio. Et le monde à ce moment-là se disait, à l'image de ce qui se passait aux États-Unis, faut qu'on se mette sur le podcast, faut qu'on propose un contenu sonore. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter ensemble, qu'on a essayé des choses. Donc ça a duré pas mal d'années, le compagnonnage avec le monde, jusqu'au jour où ils se sont dit non, en fait, le son c'est fini, maintenant tout le monde veut de la vidéo. L'histoire a montré que le son avait encore de sérieuses choses à dire. Justement, on le voit encore aujourd'hui. Là, les podcasts natifs se développent, et puis dans la presse papier, les quotidiens aujourd'hui s'y mettent tous. Alors, il y a le Parisien qui fait Code Source, il y a Libération également, Le Monde s'y remet, il y a le Figaro. À l'époque, le Monde était vraiment précurseur de la presse écrite. C'était les seuls vraiment à faire ça. C'était beaucoup plus expérimental que ce qui se fait aujourd'hui. Mais voilà, ils étaient précurseurs et puis finalement ils l'ont lâché pour le reprendre maintenant, parce qu'aujourd'hui en effet tout le monde s'y met et c'est très bien. Il y a une vigueur de l'audio, alors qu'on avait un peu enterré ça en se disant non, tout le monde veut de l'image, on est dans le monde de l'image. Non, il y a des choses à raconter avec le son que l'image ne permet pas de raconter. Bien sûr. Et alors je vais juste citer le podcast que vous faisiez sur lemonde.fr à cette époque, parce que ça va parler aux gens passionnés de radio qui écoutent. C'était un radio zapping. Alors ça, c'est ce qu'on a fait de manière plus pérenne. Il y avait d'abord un podcast sonore, un blog sonore podcast qui s'appelait Un Monde de Son, où là, c'était vraiment un terrain d'expérimentation. On essayait plein de choses. Et puis, en parallèle de ça, à un moment, on a lancé une rubrique quotidienne qui était un radio zapping. Donc, c'était pendant 2 minutes le zapping des matinales radio. Et c'est à ce moment-là, en effet, ça c'est vraiment quand j'ai quitté Nova, et parce que ça m'occupait tous les matins, quoi. Ouais, c'est tout un rythme. Et c'est autre chose. Et c'est... Pour un passionné de radio comme moi, tous les matins, j'écoutais... Alors, toutes les matinales radio, c'est exagéré parce que humainement, on peut pas. Mais en tout cas, les principales, j'avais une dizaine de sources, en tout cas, différentes chaque jour. Et comme ça, pendant tous les matins, pendant plusieurs saisons, j'ai écouté absolument tout ce qui se faisait. Et autant j'aimais la radio et j'en avais une connaissance certaine, autant cette période-là m'a permis de connaître vraiment dans les arcanes, l'intimité, la moindre mécanique d'antenne, le moindre jingle, de quelle manière elle était envoyée, les relances, comment elles se faisaient. Je connaissais chaque antenne, vraiment entre 6h30 et 9h en tout cas, absolument par cœur. Et surtout le rythme de la matinale, ça c'est quelque chose. Oui, et puis c'est là que ça se passe. C'était le prime time à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui. Hein. S'il y a encore, il y en a d'autres, hein, mais le moment privilégié de la radio, ça reste 7h-9h. Ouais. C'est le prime, on dira. On va faire une deuxième pause musicale. Antoine Blin, cette fois-ci, vous allez nous faire écouter du Philippe Catherine. Oui, faut que j'explique. Ah bah allez, je vous laisse faire. Philippe Catherine, parce que je savais qu'on allait parler de toutes ces années de radio, et c'est quelqu'un qui m'a accompagné, mais sur toutes mes aventures. Je l'ai interviewé à l'époque pour Radio Clapas, quand il démarrait sa carrière, et moi aussi. Il était tout timide, il y avait 15 personnes dans la salle pour son concert, voilà. Et à Nova, il nous a fait le plaisir de prendre la dernière matinale que j'ai faite sur Nova. Sur la dernière semaine, on avait des guests qui chacun faisait leur matinale, et Catherine en a fait une complètement folle, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis Catherine est aujourd'hui un artiste France Inter dont on est partenaire du dernier album, et donc il fallait mettre un Catherine, et c'est un extrait de son meilleur album, Robot après tout. Oui, c'est ça. Voilà, c'est Borderline. Le métro ferme à 1h du mat, le métro ouvre à 6h du mat, Monoprix ouvre à 10h, Monoprix ferme à 20h, Les enfants partent à 8 heures. Les enfants reviennent à 16 heures. Le repas commence à 20 heures. On débarrasse à 20h30. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. La dame du troisième sort à 10 heures. La dame du troisième revient à 11 heures. Les acédiques ouvrent à 9 heures. Les acédiques ferment à 16 heures. Tu commences le boulot à 9 heures. Tu termines le boulot à 18 heures. Tu t'endors à 23 heures. Tu te réveilles à 7 heures du mat. T'es borderline. J'suis borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. Le feu vert s'allume à minuit. Le feu rouge à minuit 2. Le feu vert revient à minuit 2. Le feu rouge à minuit 4. La dame du troisième sort à 21h. La dame du troisième revient à 21h30. L'ascenseur descend à 21h30. Remonte à 21h31. Je suis borderline. Il est borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. Ok, d'accord, très bien. Téléphone à midi 16, un cri à 15h07, une voix d'homme à 22h, un chat à 1h, une radio à 2h20, une Mercedes à 5h du mat. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors au cas où vous auriez pas compris, le titre de la chanson c'est Borderline. Ouais, et c'est un peu le morceau du responsable d'antenne de radio qui a toujours des heures dans la tête. À telle heure faut faire ça, à telle heure faut faire ça, à telle heure faut faire ça. C'est du vécu. Bah oui, non mais on vit avec une horloge dans la tête quand on fait de la radio. C'est ça. Dépendant du temps des fois, c'est souvent un petit peu le traumatisme de plusieurs animateurs. Je ne regarderai personne. Alors, on vous a laissé au monde.fr Antoine Blin. Donc, vous aviez lancé les premiers podcasts natifs, on dira, pour la presse papier. La suite après, ça s'est passé. Alors là, vous retournez dans le sud, à France Bleu. Ouais, il y avait une petite incursion France Inter où j'ai fait la réalisation de l'émission L'Afrique Enchantée. On va aller vite là-dessus. Et puis en effet, après j'ai eu envie de reprendre le micro et la radio de proximité. Et c'était en effet sur le réseau France Bleu où j'ai fait quelques années de matinale jusqu'à l'année dernière. Donc sur France Bleu Périgord et sur France Bleu Hérault, l'envie de retrouver et je l'ai eu le contact direct avec les auditeurs. D'une part, et d'autre part, une façon de faire de la radio très artisanale, là où sur les grosses radios nationales, on a plein de monde qui font un programme d'enfer, eh ben sur les radios locales, on est un peu au four et au moulin, et on a, sur une matinale en tout cas, la maîtrise du contenu, du contenant, du rythme, un rapport beaucoup plus direct aux médias radio. Ça a dû vous faire drôle de revenir 20 ans plus tard sur la radio sur laquelle vous avez commencé. Il y avait un petit coup du destin qui était assez sympa, une espèce de boucle bouclée, oui. Ça plus le rythme de la matinale. Bon après c'était pas non plus une nouvelle expérience puisque comme vous l'avez dit, la matinale vous en aviez déjà fait à Nova. Oui, mais pas de la même manière. Pas de la même manière parce que là France Bleu c'est quand même une matinale d'info, faut être là très tôt. On n'arrive pas 10 minutes avant l'antenne, ce qui était le cas à Nova. Non, à France Bleu faut arriver bien 1h30 avant, il y a de l'actu, il y a un conducteur à adapter en fonction de l'actu. Il y a un conducteur beaucoup plus dense, des invités à préparer, c'était des années intenses, passionnantes mais un peu usantes. Comme donc, pour tous les matinaliers, à mon avis, savent de quoi je parle. Oui. On adore ça, mais c'est fatigant. Ouais, à un moment donné, on a quand même envie un peu de... Et donc, depuis juin dernier, donc nouvelle étape dans votre carrière, puisque là, maintenant, vous êtes à la maison de la radio, à France Inter. Oui, retour à Paris, retour à la maison de la radio pour être le délégué à l'antenne de France Inter. Et alors, en quoi consiste votre rôle au sein de France Inter? Alors moi, je suis responsable de toutes les questions de forme, en fait. Dans la radio, l'essentiel et ce que vient écouter l'auditeur, c'est le fond, c'est-à-dire des gens qui me parlent, des contenus, donc des invités, des producteurs. Ça, c'est vraiment ce qui fait le rapport conscient à la radio, aux médias. Mais en fait, autour de ça, il y a toutes les questions de forme, la rythmique, le son, les silences, ce qu'on appelle donc les habillages, les jingles, les génériques, la façon dont France Inter, pour parler de France Inter, va parler d'elle-même, porter un discours sur son propre programme et donc rentrer en relation avec l'auditeur. Et toutes ces questions-là, ce sont des questions de forme et c'est les choses dont je m'occupe à France Inter. Mmh. Donc concrètement, c'est les jingles, les habillages, les conducteurs d'antenne, les conducteurs également des pubs et des promos qu'on diffuse sur l'antenne. Et c'est des conseils sur la rythmique des émissions, sur la manière d'améliorer tel ou tel moment d'antenne qui mérite soit un petit lifting ou un petit coup de boost en termes de rythme. Voilà, c'est ce genre de choses. De boost, tout le contraire. Hein. Parfois, faut savoir ralentir aussi. Il faut être dans le bon rythme. Oui. C'est une très belle mécanique en tout cas, hein. C'est intéressant d'en parler. Juste rapidement avant de passer aux questions, France Inter, comme beaucoup de radios, se lance dans les podcasts originaux en ce moment. Oui, ça fait déjà quelques temps en effet. Oui. Il y a beaucoup de contenus de notre antenne qui sont des podcasts qui rencontrent beaucoup de succès. C'est le cas notamment d'Affaires Sensibles de Fabrice Drouel, oui. Des humoristes de France Inter. Mais en fait, la plupart de nos émissions marchent très bien en podcast. Mais il se trouve qu'il y a un public qui n'écoute pas France Inter en linéaire, d'une part, et qui peut vouloir l'écouter en podcast. Et d'autre part, il y a certains contenus qui se prêtent pas à l'écoute en linéaire. C'est pas des contenus dans lesquels on rentre et on sort quand on veut. Ce qui est le principe d'une antenne de flux. On rentre et on sort quand on veut. Je pense par exemple aux programmes qu'on développe beaucoup pour les enfants. Les histoires au lit, les odyssées. Là, l'enfant doit pouvoir écouter quand il veut, reprendre quand il veut, réécouter, parce que les enfants aiment beaucoup réécouter. Et les parents peuvent laisser les enfants avec ce type de contenu-là sans s'en soucier, puisqu'ils ont confiance dans le type de contenu que l'enfant aura s'il s'abonne à Oli ou aux Odyssées, pour prendre ces deux exemples-là, qui sont des vrais succès de podcasts natifs de France Inter, même s'il y en a d'autres. On a lancé des podcasts natifs de la rédaction, où la rédaction propose chaque semaine Poursuite, qui est une autre manière de faire de l'info, qui n'est pas celle qu'on ferait dans une matinale, qui n'est pas celle qu'on ferait dans une émission, ce qui permet aux journalistes aussi d'inventer une autre narration. On a fait une très belle série sur les attentats du 13 novembre, qui s'appelle 13 novembre l'enquête. Et là, c'est un travail de fond qu'on ne peut pas écouter comme ça en faisant autre chose. Et l'écoute au podcast, c'est aussi l'écoute au casque, donc une écoute plus attentive. Ça permet vraiment de développer une nouvelle grammaire de l'audio, puisque ça va au-delà de la radio. La mécanique des ondes. Antoine Blin, donc, passionné de son, mécanicien de son, si on peut dire ça aussi. On va passer maintenant les 5 dernières minutes avec quelques questions, à commencer par la question capsule posée par l'invité de la précédente émission, Anissa Haddadi, meneuse de jeu à Europe 1, a une question pour vous qu'on écoute. Bonjour Antoine, alors je suis ravie qu'on puisse se parler, s'interpeller grâce à l'émission La Mécanique des Ondes. On ne s'est jamais croisé malheureusement, pourtant c'est un petit milieu celui de la radio, ça arrivera peut-être très vite, en tout cas je l'espère. Mais on a un point commun tous les deux, c'est qu'on est passé professionnellement par le réseau France Bleu qui compte 44 radios locales à travers toute la France. Moi ce que j'aimerais savoir de votre part, puisque maintenant vous êtes délégué à l'antenne de France Inter, donc vous avez quand même un poste de direction, j'aimerais savoir, avec le recul que vous avez, comment vous voyez évoluer ce réseau des locales de France Bleu. Alors, en ce moment, on peut pas dire que les audiences soient très encourageantes, mais la radio locale fait partie de l'avenir de la radio. Le marché est en en pleine révolution. Il y a des radios qui historiquement étaient très fortes, qui le sont beaucoup moins, mais il y a des radios qui tirent leur épingle du jeu. Et les radios locales, à mon avis, font partie de ces radios qui peuvent tirer leur impact du jeu. On le voit sur les radios de catégorie B, les réseaux régionaux. Et il n'y a pas de raison que France Bleu prenne pas ce virage, d'autant que sur l'info locale, France Bleu est absolument imbattable. Mais il y a beaucoup à reconstruire. France Bleu qui se développe sur les nouveaux supports, enfin nouveaux supports. Est-ce qu'on peut mettre la télévision dans cette catégorie ? Alors la télévision, je suis pas sûr que ce soit ça la chose la plus essentielle pour Bleu. Je pense que c'est. Je faisais allusion avec les matinales filmées sur. Oui, mais je pense que c'est la présence de l'info locale sur les applis est très importante. La présence future avec les assistants vocaux pour avoir de l'info de proximité dans sa voiture via les assistants vocaux qui seront embarqués. Là, c'est des enjeux essentiel pour l'avenir de France Bleu. Donc une piste à creuser, donc Internet et les nouveaux supports. Voilà, ça c'est pour le côté service local. Et puis après, il y a une force du lien entre les animateurs de Bleu et leurs auditeurs, qui ça va au-delà de la technologie et qui est essentiel et qui est un bien à préserver. On va terminer avec le questionnaire rapide maintenant, Antoine Blin. Je regarde l'heure, en effet, faut faire vite. C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle. Ah ben j'en ai cité plein tout à l'heure. Je vais dire Delarue, puisque Delarue il avait la fantaisie, il avait le sérieux, il a inventé une nouvelle façon de faire des matinales. J'aurais pu en citer plein d'autres, mais bon voilà. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Alors j'ai tout écouté. Mais vraiment tout. Je pense que j'ai eu une période ado très fun radio, l'époque rock, Love in Fun, D-Fool, Max. Bon voilà, j'ai eu une période comme ça ado où pendant un an je pense que j'étais vraiment fun. Quelle radio vous réveille le matin ? France Inter. Quelle radio vous endort le soir ? France Inter aussi, même si des fois j'arrive pas à dormir parce que c'est trop intéressant. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Partout. Alors la cuisine, quand je fais la cuisine, la salle de bain, voilà, il y a comme des activités. Dès qu'il y a une activité solitaire, la radio est là. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Quand je me balade dans la forêt ou en montagne. Votre meilleur souvenir de radio ? Meilleur souvenir de radio, il y en a plein. France Bleu Périgord avait une émission géniale qui s'appelait La poursuite du diamant noir, où on avait des hélicoptères, des antennes satellites, et pendant en fait deux heures et demie, c'est une sorte de carte au trésor. On est là à animer la radio sans savoir ce qui va nous arriver, en étant à cheval, couché dans une voiture, et tout en continuant à animer la radio. C'est une expérience que j'ai fait deux étés et qui est phénoménale, et ça montre la légèreté de ce média. La voix peut se transporter partout et on peut faire de la radio de partout. Le pire souvenir ? Le pire souvenir, c'est celui que j'ai régulièrement dans mes cauchemars, c'est d'arriver en retard à l'antenne, de rater une émission, mais ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'animateur en tout cas. Ça m'est arrivé une fois en tant que réalisateur, je suis arrivé en retard parce que le train était bloqué, voilà, ça m'est arrivé une fois en tant que réalisateur, mais j'ai jamais manqué l'antenne. Ça reste mon pire souvenir puisque je le revis très régulièrement dans mes rêves. Et enfin, pour finir rapidement, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio, ce sera le mot de la fin ? Radio associative. Et voilà, allez, la base. La porte. Merci Antoine Blin en tout cas d'être venu dans la mécanique des ondes. C'était un plaisir. Merci.